Commentaire suite à la manifestation du 20 février 2022 qui s'est tenue à Québec dans le cadre du convoi pour la liberté qui était organisé, entre autres, là, avec des camionneurs qui étaient sur place avec leur camion, qui était notamment là, présent sur le boulevard René Lévesque. En cette belle journée de dimanche hivernal, j'ai décidé de me présenter sur place pour voir comment se déroulait la manifestation. D'ailleurs, par rapport à cette dernière, j'ai réalisé quelques vidéos pour vous donner un aperçu de l'atmosphère des gens qui étaient sur place que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube. Donc, qui vous donne un petit peu une idée de l'ambiance qui régnait. Et ça a été l'occasion pour voir par moi-même qu'est-ce qu'il en était de mes propres yeux en tant qu'individu sur place, parce que d'un côté, depuis plusieurs semaines, que ce soit par rapport aux manifestations qui ont cours dans la ville de Québec ou d'Ottawa, les médias de masse nous présentent certaines perspectives sur les manifestants, même chose pour les politiciens. Donc, c'est sûr que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les médias des grandes antennes cherchent à diaboliser les manifestants, un peu comme le fait là, Justin Trudeau, les gens qui s'opposent aux mesures sanitaires, ils les traitent comme étant des gens d'extrême droite, des gens apparemment qui représentaient des drapeaux nazis, confédérés, des gens par la suite qui vont être racistes, sexistes. Bon, ben, je me suis dit, je vais me présenter sur place à l'une de ces manifestations. En l'occurrence, celle qui avait cours dans la ville de Québec, qui est un petit peu plus proche de chez moi que celle à Ottawa, pour me faire ma propre opinion sur la situation. Ce que je vous dirai, en ce 20 février 2022, j'ai vu aucune personne sur place avec des drapeaux nazis ou de sudistes qui feraient la promotion de l'esclavage. Des suprémacistes blancs. Là. J'ai rien vu de tout ça. Au contraire, j'ai vu des gens chantaient, qui dansaient. Il y avait de l'animation. Vous avez le Parlement, il y avait une scène avec de la musique et il y avait des discours qui étaient prononcés. Et entre deux discours qui pouvaient y avoir, bon, ben, il y avait de la musique qui jouait. Donc, l'atmosphère était festive. Ça me faisait penser au carnaval d'hiver. Sauf que, à la différence du carnaval de cette année, les gens n'avaient pas besoin de code QR pour se présenter à l'événement. Donc, il n'y avait pas cette ségrégation sociale. Et il y avait des gens avec des familles. Bien sûr, il y avait des gens avec des drapeaux, entre autres du Québec, du Canada, des patriotes. Mais j'ai vu aucunement là, des drapeaux à caractère raciste. J'ai pas vu non plus de gestes à caractère raciste. Les manifestants, de ce que j'ai vu en ce dimanche après-midi, du 20 février 2022, j'ai vu une foule sur place qui était pacifique. Donc, en tout cas, les médias nous présentent ce qu'ils dépeignent parfois des manifestations versus qu'est-ce qu'il y en est en réalité, ben c'est sûr que pour avoir une meilleure perspective sur l'événement puis l'évaluer par soi-même, mais c'est d'être là sur place. Parce que c'est sûr que les médias peuvent prendre des gens, des petits incidents, puis avec un effet de loupe médiatique, les exagérer, les grossir ou les tirer hors contexte. Même chose que peuvent faire en passant les médias alternatifs. Pour critiquer, par exemple, les agissements de la police, et ainsi de suite. Donc, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire l'effet de polarisation lié à mettre l'emphase sur un incident pour donner l'impression que l'ensemble de l'événement a été une catastrophe, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, par rapport à l'événement, je me suis présenté sur place. Il y avait quelques centaines de personnes. Et puis, sur le boulevard René Lévesque, situé là, proche du Parlement, c'est quand même une artère principale. Il y avait quelques camions stationnés, mais en tant que tel, il y avait de la circulation routière qui s'y opérait. Donc, c'est sûr qu'il y avait seulement une voie dans chacune des deux directions, au lieu qu'il y ait des voies doubles pour chacune des directions. Et il y avait, dans la partie qui était fermée, bien, des gens qui étaient là et qui encourageaient les camions, les voitures à klaxonner. Et il y avait des gens qui agitaient des drapeaux. Donc, c'est sûr que l'occasion d'un événement comme celui-ci, ben, c'est celle d'être en contact avec des gens qui vont être festifs et aussi des gens qui sont des militants, naturellement. Donc, c'est sûr que j'ai salué plusieurs personnes et ainsi de suite. Donc, l'atmosphère était plutôt chaleureuse. Et puis, il y avait, proche du Centre des congrès de Québec, il y avait à un moment donné un journaliste que j'ai vu avec un micro et il y avait un caméraman. Et la particularité, c'est qu'il n'y avait pas de logo de compagnie médiatique là, sur son micro. Même chose pour la caméra. Donc, moi, j'avais l'impression que ça devait être un journaliste probablement de Radio-Canada ou de TVA, mais qui ne voulait pas se faire identifier. Parce que c'est sûr que présentement, il y a une partie des manifestants qui sont opposés à la présence sur place des médias de masse, naturellement. Donc, la personne était un petit peu aussi à l'écart, là. Tu sais, il n'était pas vis-à-vis la scène du Parlement. Là, c'était un petit peu plus loin. Donc, il y avait une certaine distance. Puis là, je le voyais qu'il se préparait là, à commenter l'événement. Et sinon, ben, sur place, proche de la scène, il y avait une odeur de sauge. Donc, il y a des gens qui faisaient brûler des feuilles de sauge. C'était très bon comme parfum. Puis c'est sûr que sur place régnait une couleur spirituelle. Les discours étaient teintés là, d'un idéalisme spirituel où, proche du Parlement et de la Seine, il y a un endroit qui est circulaire, un rond-point, et sur lequel on pouvait retrouver des toutous et également là, des affiches, des pancartes et le mot « liberté ». D'ailleurs, j'ai pris une photo qui sert d'arrière-plan d'écran. Donc, vous pouvez voir le mot « liberté », je l'ai choisi parce que c'est en lien avec le concept de cet événement, de cette manifestation, où les gens militaient pour leurs droits et libertés, les droits et libertés qui ont été durement éprouvés, durement, dans le fond, réprimés depuis le début de la mise en place de l'urgence sanitaire au Québec, le 13 mars 2020, ça fait presque 2 ans. Et c'est sûr que, dans le fond, un peu comme les militants, ben, j'étais content d'être sur place parce que, à quelque part, c'est une façon de s'exprimer aussi, dans le sens que, bon, on peut exprimer des choses sur le web, on peut aussi signer des pétitions, on peut financer, contribuer financièrement à des lanceurs d'alerte sur la toile, mais on peut aussi, parfois, non seulement regarder la parade ou les événements internationaux, mais on peut aussi participer. Et c'est drôle parce que sur place, j'ai discuté avec des gens qui avaient été également, comme moi, il y a un peu plus de 20 ans, lors de l'AD 2001, au sommet des Amériques qui s'était tenu dans la ville de Québec, au même endroit. Et ça avait été un événement particulier parce qu'il y avait eu bon des gaz lacrymogènes qui avaient été lancés dans l'air, le périmètre de sécurité qui entourait le centre des congrès, il y avait des grillages, il y avait des grandes clôtures que les gens ne pouvaient pas franchir, tandis que présentement, c'était pas le cas, les gars du centre des congrès ou de l'espace là vis-à-vis du Parlement. Et c'est sûr que on est dans un environnement qui est, dans le fond, festif là, présentement. L'environnement du sommet des Amériques en 2001 était un peu plus tendu lorsque je m'étais présenté là. puis j'avais été incommodé par des gaz lacrymogènes, tandis que là, cette fois-ci, non, il n'y avait aucune volonté des policiers de disperser la foule en utilisant des gaz ou quoi que ce soit. Les policiers étaient là. Et puis, il y en a qui avaient des cache-oreilles, naturellement, ceux qui étaient proches du boulevard René Lévesque, étant donné qu'il y avait beaucoup de bruit de klaxons à répétition. C'est quand même assez fort. Quelque part incommodant pour les oreilles. Je pouvais comprendre. Et c'est sûr que par rapport à l'événement, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un très bel événement. J'étais très content d'être là. Et c'est sûr que pour les gens qui m'écoutent, qui étaient présents à cet événement ou qui manifestent à Ottawa, eh bien, je vous salue en particulier, puis les gens aussi à l'international, parce que je sais qu'un peu partout, il y a eu d'autres phénomènes de convois avec des camionneurs. Le mouvement s'est propagé un peu partout, dont notamment en France, à Paris. Écoutez, les gens partout, un peu partout qui font des convois, ben, je pense que c'est une façon de manifester qui a un certain impact. Sinon, ce que je vous dis, bien, pour tous les gens qui écoutaient l'enregistrement, eh bien, salut et à bientôt. Au revoir.